Voici, en 25 minutes environ, de très larges extraits de la comédie en trois actes de Marivaux, intitulée « La double inconstance », parue en 1723 sous le roi Louis XV. Choix des textes, résumés et enregistrements de Jean-Paul Alexis en mai 2016.